Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 72. De la contumélie ou invective. En quoi consiste la contumélie ou invective? Est-elle un péché? Devons-nous la supporter? Sa cause. 1. La contumélie consiste-t-elle dans des paroles? L'invective ou contumélie consiste dans des paroles injurieuses par lesquelles on relève une chose contraire à l'honneur de quelqu'un, pour la porter à sa connaissance et à celle des autres. Elle se produit aussi par certains signes ou actes qui ont parfois une signification non moins expressive que les paroles. Sur ce passage de l'apôtre, homme de contumélie, etc., la glose reprend très bien. Les hommes de contumélie sont ceux qui outragent et déshonorent leurs semblables par des paroles ou par des actes. 2. La contumélie est-elle un péché mortel? Nous lisons dans l'Évangile, celui qui aura dit à son frère, « Vous êtes un fou », sera digne du feu de l'enfer. Matthieu 5, 22. L'invective ou contumélie est donc un péché mortel. Toutefois, comme la signification des mots provient de l'intention de celui qui parle, on doit examiner par quel esprit les paroles injurieuses sont dictées. Il est indubitable que celui qui les profère pour porter atteinte à l'honneur de quelqu'un commet un péché mortel, comme le voleur. Les hommes ne tiennent pas moins à leur honneur qu'à leur bien matériel. Mais si ces paroles sont dites dans un but de correction ou pour tout autre motif semblable, sans intention d'attaquer l'honneur, il n'y a plus ni outrage réel, ni contumélie formelle, et, dans ce cas, elles n'excèdent pas le péché véniel. Parfois même elles ne renferment aucun péché. Note. De même qu'il est permis de frapper une personne pour la corriger, il est également de lui adresser, pour la même fin, des paroles qui, dans une autre circonstance, seraient un coupable outrage. Ainsi le Seigneur appela ses apôtres hommes sans intelligence, et saint Paul applique aux Galates l'épithète d'insensé. Mais ces sortes de paroles ne doivent être employées que rarement, pour la gloire de Dieu, et jamais pour une satisfaction personnelle. Le péché de contumélie dépend avant tout des dispositions intérieures de celui qui le commet. Fin de la note. 3. Devons-nous supporter les contumélies? Le roi David disait, « Ceux qui cherchaient à me nuire tenaient de vains discours. Pour moi, j'étais comme un sourd qui n'entend pas, et comme un muet qui n'ouvre point la bouche. » Psaume 37, 13 et 14. On doit souffrir les invectives dans le cas où cela est nécessaire ou utile, c'est le devoir de la patience. De là cette parole du Sauveur, « Si quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez-lui encore l'autre. » Mais il est nécessaire, parfois, de les repousser, d'abord, pour le bien même de celui qui se les permet, afin que, son audace étant réprimée, il ne recommence pas dans la suite. Répondez au fou, dit le sage, de manière à lui montrer sa folie, de peur qu'il ne se croie sage. Proverbe 26, 5. Notre Seigneur ne dit-il pas à celui qui lui avait donné un soufflet, « Pourquoi me frappez-vous ? » Jean 18, 23. Ensuite, l'intérêt spirituel des personnes qui seraient retardées dans leur avancement par les injures qui nous sont adressées, nous impose aussi le devoir de répondre à nos détracteurs, mais nous devons le faire avec charité et avec modération. Conformément à cette autre parole, ne répondez pas au fou selon sa folie, de peur que vous ne lui deveniez semblable. Proverbe 26, 4. Note. Il est un silence qui rentre dans la vengeance, C'est celui que l'on garde pour irriter davantage un adversaire, mais se taire dans le but de laisser passer la colère de celui qui nous injurie, est une action digne d'éloge. Ne disputez pas avec un homme acerbe, nous dit l'Esprit Saint, ne jetez pas du bois sur son feu. Ecclésiastique 8. Fin de la note. 4. La contumélie vient-elle de la colère? Un péché peut provenir de plusieurs causes, mais il est naturel de l'attribuer à celle qui le produit d'ordinaire. Les invectives ont une grande affinité avec la vengeance que poursuit la colère, car, pour l'homme colère, le moyen le plus immédiat de se venger est d'injurier son adversaire. Nous devons dire, en conséquence, que la contumélie vient de la colère. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.